flotter devant moi. Je n'ai plus mes sens. Mais dis-moi, que m'est-il arrivé? Pourquoi les sirènes se mettaient à chanter autour de nous? Je dois devenir fou. L'impression d'être loin de vous. Sentiment d'impuissance. Mon corps inerte de mes pensées. Sentiment de présence. Les hommes pour me réveiller. Nous ne suivons plus le même chemin.